franceinter.fr. 17h07, bientôt sur France Inter. Tout de suite, c'est le temps d'un bivouac avec Daniel Fievé. Eh oui, Maxime Debs, bonjour. Vous avez déjà monté à bord d'un ULM, Maxime ? Ah non, ça c'est pas fait, ça encore. Eh ben voilà, restez avec nous, ça va être fait après. Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. J'ai des envies de voyage. Longitude. Degré zéro. L'Océanie, tu connais ? Altitude. Vous avez croyé que je puisse regarder les paysages par le bleu ? 384 000 km. That's one small step for man. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. Avis de tempête prévu pour Chanoï. Toujours est-il que je lève l'ancre. Le temps d'un bivouac ! Silence ! Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Partir à l'aventure, tout laisser derrière soi et se lancer dans un tour du monde. Beaucoup en rêvent, Clémentine Bacry et Adrien Normier sont passés à l'action. Elle, 27 ans, avocate au barreau de Paris et du Luxembourg. Lui, 30 ans, pilote de ligne. Ils ont mis leur vie professionnelle entre parenthèses pour un tour du monde. Mais attention, pas n'importe quel tour du monde. Pendant plus d'un an, à bord d'un avion ultra léger, ils sont allés aider les scientifiques sur le terrain aux quatre coins du globe. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à compter les baleines dans le golfe du Saint-Laurent, à modéliser une cité antique au Pérou ou encore à étudier les habitudes nocturnes des manchots en Australie. Après 14 mois de voyage, 60 000 km parcourus et 35 pays visités, les jeunes aventuriers atterrissent dans notre bivouac, des souvenirs plein la tête et pas mal d'histoires à raconter. Que c'est beau, si beau que ça n'a pas l'air vrai. Sur France Inter... Mais vous ne m'écoutez pas, hein, vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac qui prend aujourd'hui des allures de tarmac en compagnie de Clémentine Bacry et Adrien Normier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors soyez les bienvenus, hein. On peut déjà découvrir quelques épisodes du tour du monde que vous avez effectué en ULM à la rencontre des scientifiques sur le site d'Universcience.tv. Un documentaire plus conséquent est en cours de préparation, il sera diffusé sur la chaîne Planète Plus Thalassa, film coproduit par Gédéon Programme, Dockland Yard et Aura. Mais on a un peu la primeur de vos aventures ce soir sur France Inter. Un peu plus tard dans l'émission, Odémilie Judaïque nous rejoindra chaque semaine. Odémilie nous racontera des histoires d'aventures et d'aventuriers. Aujourd'hui, elle nous parlera de la découverte de ces étonnants dessins observables depuis le ciel qui jonchent la pampa péruvienne. Une histoire qui devrait vous parler, faire écho à des aventures que vous avez vécues, Clémentine Bacry et Adrien Normier. Et puis, en fin d'émission, nous tenterons de joindre un jeune scientifique en expédition sur le terrain, Alexandre Corbeau. Il se trouve aux îles Kerguelen, îles qui font partie des terres australes et antarctiques françaises, côté pôle sud donc. Alexandre Corbeau étudie la faune locale et nous le retrouverons sous sa tente tout à l'heure si son téléphone satellite le veut bien. Voilà pour le programme de ce bivouac. Position. Le Bourget. Latitude. 48 degrés nord. Longitude. 2 degrés est. Oui, les premiers pas de notre bivouac nous emmènent pas très loin, le Bourget. Mais c'est là où votre tour du monde s'est arrêté, hein, Clémentine et Adrien. Vous avez atterri sur la piste du Salon du Bourget il y a quelques jours, le 17 juin dernier. Vous reveniez donc de ce tour du monde de 14 mois. Quel a été l'accueil au Bourget ? Très honnêtement, je vois. Alors, un petit sourire crispé. Non, on a eu une foule en délire. Composé de Marianne, Samy, Ludo, qui sont là et qui nous filment là tout de suite encore. Ils ne vous lâchent pas depuis que vous êtes revenus. Vous avez des caméramans comme ça à vos basques. On est devenus des stars complètes. Et à part ça, nos petits frères qui étaient là, ma maman, je crois. Et puis voilà. Un retour donc en toute discrétion. C'est vrai que vous aviez choisi ce grand rassemblement où on a des avions civils et militaires plutôt assez impressionnants. Et vous aviez votre petite ULM, sans vouloir vous vexer, qui faisait un peu figure de moustique, hein, par rapport à ces gros engins. Mais ça ne nous vexe pas, en fait. On est plutôt fiers d'être... On a été les tout petit bout de chou là-dedans et c'était assez impressionnant pour nous. On était très contents d'être là. Alors comme on est arrivé le premier jour, c'était encore dans les journées professionnelles, du coup le public ne pouvait pas vraiment venir, c'était réservé aux professionnels de l'aéronautique, mais c'était un grand honneur d'être là et on a eu chaud parce que la météo était un peu compliquée, donc on a réussi à se poser pour l'ouverture. Et... C'était vraiment, c'était pas un effet médiatique, c'était vraiment le retour de votre tour du monde. C'était vraiment le retour de notre tour du monde. Qui vous veniez de au Bourget. On venait de Grèce, la dernière mission qui s'est passée à Samos, donc dans l'archipel avec un institut océanographique qui s'appelle Archipelagos. D'accord. Où vous y étiez pour ? Alors là-bas, on venait en soutien des scientifiques sur deux sujets. Le premier, c'était cartographier la Posidonia, qui est une herbe marine. Et le second, c'était essayer de savoir si on n'était pas capable de trouver et identifier des cachalots. D'accord. Oui, on verra tout à l'heure qu'effectivement, les gros mammifères marins vous ont intéressé. L'idée plus générale de ce tour du monde, quelle était-elle ? Alors, on est parti avec l'envie de découvrir le monde... et de le découvrir en étant un peu utile à quelque chose. Il se trouve qu'on a eu l'occasion d'avoir des copains qui, à droite et à gauche, nous avaient demandé « Ah, tu sais piloter un avion ? Bah, ça tombe bien parce que moi, je fais de la recherche atmosphérique et j'aurais besoin d'un gars avec un avion léger qui irait me faire des prélèvements à différentes altitudes d'air pour comprendre la pollution, les composés organiques volatiles. » Puis le coup d'après, c'était un autre qui me disait « Ah, on voudrait des photos d'un site archéologique. » Et en fait, on s'est aperçu qu'avec très peu d'heures de vol, avec un moyen léger comme un ULM, eh ben, on est capable d'apporter un réel soutien et du grain à moudre pendant des semaines, voire des mois, pour des activités de recherche scientifique. D'accord. Donc vous avez contacté ces scientifiques. Le deal de départ, c'était quoi ? C'était on vous aide à faire vos recherches sur le terrain et en échange de quoi ? Clémentine. En fait, on a lancé un appel à projet auprès des scientifiques et ceux qui étaient intéressés à la proposition suivante nous ont rejoints. La proposition, c'était on vient sur place avec un ULM, on vous aide bénévolement en obtenant les données aériennes dont vous avez besoin pour vos recherches. Et en échange, vous nous hébergez, vous nous nourrissez, même si on n'est pas très compliqué, il faut un minimum, et vous nous laissez vous filmer et vous suivre dans vos activités de chercheur. Voilà, pour pouvoir faire le petit documentaire que vous pouvez voir en ce moment. Beaucoup ont accepté ce deal de départ qui était donc « on vous prête nos ailes si vous nous offrez le gîte et le couvert ». En fait, ils ont plus qu'accepté. On a eu énormément de demandes et on n'a pas pu toutes les satisfaire. Donc ensuite, on a choisi celles qui étaient les plus intéressantes, ouais. Celles où on avait envie d'aller et celles qui nous paraissaient les plus intéressantes, celles où réellement on pouvait apporter une réelle plus-value. Adrien Normier, il ressemble à quoi ce petit ULM avec lequel vous avez vraiment fait le tour du monde intégralement, 60 000 km, c'est-à-dire que vous n'avez pas picoré avec des étapes par la route ou par la mer, par bateau. Vous étiez toujours à bord de ce petit avion. Alors décrivez-le nous un petit peu. Alors ce petit avion, ça ressemblerait, quand je vous dis un avion léger, voilà, vous imaginez ça, puis vous le réduisez encore. C'est une chose en plastique et en carbone qui fait 300 kilos, c'est-à-dire un peu moins qu'un cheval. Ah oui. Et puis là-dedans, on arrive à se mettre tous les deux avec deux petits sacs à dos de randonnée. Combien de kilos de bagages ? 25 kilos, tout compris, mais il faut mettre le matériel de survie là-dedans. Oui. Vous aviez le droit qu'à un livre pour deux, si j'ai bien compris. Un livre à la fois et pour deux. Mais ça, c'est parce que Clémentine a du mal à lire et du coup, c'est moi qui disais la lecture. En réalité, on ne pouvait même pas emporter de livre. Donc, on le prenait ou en faisant le choix d'avoir moins de choses parce qu'on avait besoin de lire à côté. Mais on était très, très, très limité en bagages. Et une comparaison pour comprendre la machine, souvent quand... On montrait quand on avait la chance de pouvoir emmener des enfants dans l'aéroport ou sur les pistes où on atterrissait. Quand ils voyaient la machine, ils nous disaient « mais c'est un Lego ». Oui, il ressemble un peu à un jouet, hein, ce petit avion, ce petit ULM. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Vous disiez, au moment d'atterrir, où est-ce que vous atterrissiez ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de démarches à faire pour pouvoir comme ça parcourir le monde avec ce petit avion ? Alors, très schématiquement, l'administration, l'ennui et la bureaucratie sont l'enfer. La grande aventure, c'était ça, en fait. C'était une aventure administrative. Voilà, bon, une aventure administrative qui est pas ce qui avait le plus d'intérêt, mais qui nous a pris pas mal de temps. Ouais. Ensuite, il faut absolument que je revienne, parce que vous avez dit un truc qui est complètement faux. En fait. On a complètement triché. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Daniel, on a transporté l'ULM dans un container entre Santiago du Chili et Sydney. Ah, pourquoi ? D'accord. Parce que comme on était à deux dedans, fallait faire un choix, enfin Clémentine avait le choix entre soit prendre suffisamment d'essence pour le faire d'une traite, il y a 3000 km entre Conception et l'île de Pâques, et c'est l'océan, il n'y a rien. Donc Clémentine avait le choix entre prendre l'essence pour pouvoir faire ça, ou me prendre moi à bord. Puis finalement, elle m'a choisi moi. Et j'ai choisi mon amoureux. C'est bien, c'est beau. Donc il y a eu ce petit moment où vous n'avez pas voyagé à bord de votre avion. Quelle autonomie a-t-il ce petit avion ? Alors cet avion, on peut voler dedans pendant 12 heures et en consommant à peu près 13 litres à l'heure et en faisant 200 km/h. Donc on peut faire 2000 km avec une réserve. C'est impressionnant. Et par contre, bon, au bout de 10 heures de vol, on commence à... Et d'ailleurs, on n'a jamais fait 10 heures de vol. Le maximum qu'on ait volé, c'est 8h30, je crois. Oui, c'est ça. On a volé 8h30 entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Et en fait, c'est un avion sur lequel on vole qu'à vue. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans des nuages, on ne peut pas rentrer dans des orages et on ne peut pas voler la nuit. Donc déjà, on est limité par ça. Et ensuite, on est limité par le confort. Parce que c'est un avion dans lequel on ne peut pas bouger. On est assis. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller aux toilettes, on ne peut pas dormir, ni manger, ni boire. Donc ça fait long à la fin. Oui, bah, un peu spartiate. Manger ou boire, quand même, on se débrouille. Hein. Bah, enfin, avec ce qu'on a pu apporter, c'est on ne peut pas apporter grand-chose. C'est sûr, ça n'est pas un avion de ligne. Allez, nous allons reprendre votre plan de vol et vous allez nous raconter quelques-unes des aventures qui vous sont arrivées. Les sciences attirent d'elles, c'est le programme de ce bivouac jusqu'à 18h. Daniel Fievé, le temps d'un bivouac. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi. Dévorer les continents, balayer les frontières. Les états de grâce de la planète entière. Découvrir les mille façons de se jeter dans les bras de la joie de vivre. Libre. Vivre. Libre. Avec toi. On est tous des vers de terre, amoureux d'une star, des bâtards et des mutants qui croient au Père Noël et qui chantent et dansent sur le cratère d'un volcan, prêt à cracher ses temps de lave et de soleil et de joie de vivre. Chemin qui vibre, ivre sous tes pas, la joie de vivre, libre, qui te délivre et te mène sur ta voie. Sentirai vibrer la terre sous mes talons, respirer le vent du large au fond de mes poumons, s'élancer dans l'univers mes pensées qui décollent, et que j'aurais envie de rêver en musique et paroles. Ma joie de vivre. Chemin qui vibre, ivre sous mes pas, la joie de vivre m'inspire, la foi qui vibre, libre et se bat. Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi. Et on serait bien, nous aussi, partis faire le tour du monde avec eux. C'était la joie de vivre de Jacques Higelin dans le bivouac sur France Inter. Position. Volcan Krakatoa. Latitude. 6 degrés sud. Longitude. 105 degrés est. Le 26 août 1883, le volcan de la toute petite île de Krakatoa entre en éruption. Il s'ensuivra une catastrophe naturelle parmi les plus terribles de l'histoire de l'humanité, dont le monde entier aura connaissance grâce au télégraphe. En moins de 48 heures, des centaines de villes et villages seront détruits. Plus de 36 000 personnes trouveront la mort. Clémentine Bakri et Adrien Normier, vous l'avez survolé, ce Krakatoa en Indonésie. Il était plus calme quand vous êtes passé au-dessus. On l'a survolé, effectivement. Il était plus calme, mais il était quand même actif. Donc on a vu beaucoup de fumée sortir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a survolé, parce que les scientifiques du CVGMH, du laboratoire d'Indonésie qui surveille les volcans, nous ont demandé de le survoler avec différents capteurs pour justement voir ce qui sortait de ce volcan actif. C'était très impressionnant, c'était magnifique. Il est vraiment gigantesque et puis il est entouré d'eau. Du coup, il y a des couleurs vert, bleu, marron qui sont très, très, très impressionnantes. Et dans le cocon du cockpit de votre avion, vous vous sentiez suffisamment protégé ou un petit peu menacé aussi? On n'était pas protégé du tout. Ouais. Non, on se sentait vraiment tout, tout, tout petit. Et non, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Rien qu'à en parler, j'en ai encore la chair de poule. C'était assez grandiose. On a fait attention, évidemment. Adrien est pilote pro et ça lui a permis de faire ce genre de choses. Moi, toute seule, je ne m'y serais pas aventurée. Mais en faisant attention, en voyant la direction des vents, ça nous permettait de contourner les endroits dangereux pour pouvoir le faire en toute sécurité. Vous avez survolé d'autres volcans, hein, Adrien Normier, toujours lors de ce tour du monde à bord de votre petite ULM. Quels sont les autres volcans que vous avez survolés? En fait, on en a survolé plein. Ah. Parce qu'il y en a partout des volcans. Alors, ceux qu'on voit le plus, c'est ceux qui sont en activité, enfin en train de dégazer. Alors ceux qui nous ont impressionnés... Stromboli, le Vulcano. Alors le Stromboli, très impressionnant. Celui qui nous a pas mal bluffé, au milieu d'une grosse calotte glaciaire, là c'est en Islande, les Eyjafjallajökull, celui qui avait bloqué tout le ciel européen. Vous n'êtes pas rancunier en tant que pilote de ligne, vous êtes allé avec votre ULM au-dessus de ce volcan qui avait effectivement bloqué avec ses panaches de cendres le trafic aérien pendant plusieurs jours, on s'en souvient. Exactement, et on a d'ailleurs discuté avec les pilotes du ULM qui ont une petite base juste au pied de ce volcan. Eux, ils n'ont pas arrêté de voler pendant tout ce temps-là. Et alors, quel était votre apport aérien auprès de ces scientifiques? Il s'agissait de modéliser le volcan. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur le Krakatoa et sur les volcans indonésiens, en fait, notre premier enjeu, c'était de faire un modèle tridimensionnel des sommets de ces volcans qui sont très difficiles d'accès et sur lesquels on n'a pas de belle topographie, pour qu'ensuite, les scientifiques puissent avoir une analyse de compréhension géomorphologique. On était également équipé d'un petit spectromètre dans l'avion qui nous a permis, sur le Krakatoa, de faire une estimation du flux de dioxyde de soufre, la quantité de dioxyde de soufre qui sort du volcan. Et là, quelle surprise, parce que ce volcan qui n'était pas censé émettre grand-chose est en fait le plus gros émetteur de toute l'Indonésie. Donc, on a apporté une petite pierre à l'édifice. Oui, vous avez, c'est pas que du gadget. Vous avez effectivement, à votre mesure, apporté quelques découvertes scientifiques, contribué à faire quelques découvertes scientifiques, notamment sur des volcans très connus pourtant. Voilà, donc là, avec Philipson, le volcanologue de folie sur place, eh bien, on travaille à la rédaction d'un petit papier pour partager toutes ces informations-là avec la communauté scientifique. Alors, vous ne vous êtes pas uniquement intéressé à la géologie et aux volcans. Vous êtes aussi allé à la rencontre de mammifères marins. Vous nous parliez du cachalot en mer Méditerranée tout à l'heure, près de la Grèce. Vous êtes aussi allé en juillet 2012 aider des chercheurs au Canada qui travaillent sur les baleines dans le golfe du Saint-Laurent. Parmi eux, il y avait Sophie Comtois. Bonjour Sophie Comtois. Oui, bonjour. Alors, vous êtes biologiste au Centre de recherche des îles Mingan, à l'est du Canada, un organisme consacré à l'étude écologique des mammifères marins. Comment êtes-vous entré en contact avec Clémentine Bakri et Adrien Normier? Ça a été un peu fruit du hasard. Je pense que c'est plus eux qui sont entrés en contact avec nous au travers de leurs recherches sur les organismes avec qui ils pourraient collaborer, en fait, donner un gros coup de main. Puis, quand on a appris leur possible venue, nous, on était bien intéressés. Puis effectivement, ça a été une très belle collaboration. Puis c'était très agréable de les avoir avec nous. Et pas mal plus efficace, en fait, de survoler notre zone que de le faire en bateau. Oui, c'est ça. Que vous ont-ils apporté? Parce que nous, depuis qu'ils sont avec nous, ils ont l'air de dire qu'ils étaient très utiles auprès de ces scientifiques. On aimerait bien avoir la confirmation d'une de ces scientifiques. Alors, que vous ont-ils exactement apporté dans l'étude de ces baleines? Ben nous, en fait, c'est des études qui se font sur le long terme. Donc, on essaie de faire un suivi de population, d'avoir une idée de l'habitat préférentiel de ces animaux-là. C'est sûr qu'avec un bateau, c'est beaucoup moins rapide et puis on couvre beaucoup moins large. Donc, les avoir avec nous, ça nous a aidé à couvrir non seulement notre aire d'études, mais à l'extérieur, donc aller voir les endroits qui nous intriguent depuis des années. Puis on s'est rendu compte que finalement, d'avoir une petite équipe aérienne avec nous de façon permanente, ce serait une bonne chose. Alors, Adrien, Clémentine, c'est noté. Ils vont vous faire la réponse en direct, Sophie. On a le message, on reviendra avec grand plaisir. Il faut juste monter un projet suivant. Ouais. Vous êtes restée combien de temps avec Sophie Comtois, Clémentine Bacry? On a dû rester à peu près 3 semaines avec Sophie et toute son équipe. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous gardez de cette aventure à compter les baleines dans le golfe du Saint-Laurent? Qu'est-ce que nous, on garde? Des étoiles plein les yeux. C'était vraiment, vraiment magique. On a d'abord été avec eux sur les bateaux pour comprendre un peu comment ça se passait au niveau du sol. C'est la première fois de ma vie, et je pense que je parle en nos deux noms, Adrien, c'était la première fois de notre vie qu'on a vu des baleines en vrai. En plus, avec des scientifiques comme Sophie, comme Alain, comme Richard, comme toute l'équipe qui était vraiment passionnée, donc qui avait une connaissance impressionnante et qui tenait à la faire partager. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Et ensuite, les voir d'en haut, c'était un gros challenge pour nous parce qu'on n'avait jamais fait ça, repérer des baleines depuis le ciel. On n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Et ça a marché. Vous avez même fait mieux que ça, parce que vous n'avez pas repéré que les baleines, vous avez aussi repéré des excréments de baleines, et ça sur une des petites vidéos que l'on peut trouver sur universcience.tv. On voit que ça a une sacrée couleur, ces excréments de baleines. Effectivement, moi je n'en avais pas la moindre idée, mais quand on y réfléchit, ça paraît assez logique. Les excréments de baleines étaient oranges. Alors Sophie, je parle sous ta juridiction, tu me confirmes que c'est parce que les baleines mangent du krill, c'est bien ça? Oui, ben c'est ça. Quand ils vont s'alimenter sur le krill, leurs excréments sont beaucoup plus orangés, c'est limite fluorescent. Mais quand ils vont s'alimenter sur le poisson, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus brunant. Donc oui, à ce moment-là, on pouvait probablement dire hors de tout doute qu'ils avaient mangé du krill. Et pour vous, c'est intéressant, c'est un sujet d'étude, les excréments de baleines. Le fait d'avoir repéré ça du ciel, ça vous a permis d'aller sur place, de prendre des échantillons. C'est intéressant pour vous? Ça peut sembler un peu bizarre, mais faut dire que les baleines, c'est difficile de leur demander d'arrêter pour qu'on puisse prendre, par exemple, une prise de sang pour avoir toute l'information qu'on peut recueillir chez un être vivant, comme chez vous, chez nous, si on va chez le médecin. Donc, on essaie de trouver des solutions alternatives pour avoir de l'information. Puis les excréments, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations qu'on n'est pas capable d'aller chercher aussi facilement que si on pouvait prendre une prise de sang, par exemple, sur ces animaux-là. Donc oui, c'est une mine d'or d'informations pour nous. C'est pour ça qu'on est un petit peu... On est souvent très, très content à la vue de ces excréments flottants-là. Oui, c'est effectivement difficile à imaginer, mais on comprend mieux quand vous nous expliquez. Vous avez un dernier mot, vous les avez revus ou vous avez continué de communiquer avec Clémentine et Adrien depuis leur passage, ou vous les aviez un petit peu perdus de vue? Ben moi, j'ai continué à les suivre par internet, à intérêt personnel. Alain aussi, on trouve que leur projet était pas juste ambitieux, c'était un rêve, ils sont inspirants ces deux-là. Donc, on les a suivis via Facebook. Puis ben, quand ils nous donnaient des nouvelles, de temps en temps, on en redonnait aussi. Mais je sais qu'ils sont pas mal occupés, les voir galérer dans toute la paperasse administrative aussi au travers du travail qu'ils faisaient avec nous. Je voulais pas trop trop leur en demander, mais ça va me faire plaisir de les revoir ou de les réinviter chez nous. Ça nous fait très plaisir de t'entendre, en tout cas, Sophie. Oui, vraiment, ça fait longtemps. Merci, un grand merci à vous, Sophie Comtois. Au revoir. On continue donc notre survol de vos aventures en ULM, Clémentine Bacry et Adrien Normier. Dans un instant, nous retrouverons notre chroniqueuse conteuse, Aude Émilie Judaïque, qui nous racontera une histoire qui devrait vous intéresser. L'appareil monte, monte, monte, brusquement, l'avion enflamme. Sous moi, 3000 mètres de vide. Suspendu par la mâchoire, j'avais envie de rire. An old movie magazine, gum wrapper in between, pages yellowing with time. It's tearing. Snowflakes are living. friendly world. Businessmen with nasty tricks, followers of 666. Fame and fortune made me sick, and I can't get out. Out the window there's a view, grassy hills and flowers too. C'était Iggy Pop, The Stooges, une Unafraid World dans le bivouac sur France Inter. Position. Bahamas, île Grand Exuma. Latitude. 23 degrés nord. Longitude. 75 degrés ouest. On le voit de l'espace et on le voit bien. Regardez Isaac qui progresse lentement. L'ouragan Isaac est bel et bien arrivé avec, comme vous pouvez constater, des vents très impressionnants partout. Une atmosphère très étrange ici, de villes fantômes. Les rafales devraient atteindre 160 km/h. Les rues sont vides, bien sûr. Les habitants ne se sont calfeutrés chez eux. Ils retiennent leur souffle. Et oui, notre GPS nous indiquait la position des Bahamas où vous vous trouviez, Clémentine Bacry et Adrien Normier, alors que l'ouragan Isaac approchait. Vous me regardez avec un sourire, donc c'est que c'était pas un si mauvais souvenir que ça après coup, Clémentine. Bah, à réécouter là ces sons qui annoncent l'ouragan Isaac, ça nous fait quelque chose quand même, on n'est pas passé loin. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous exactement ? Alors, on était dans les Bahamas et c'était le repos, donc la petite île paradisiaque. On venait de se poser sur le bord de plage et on s'est dit, bon, on prend 24 heures pour souffler, c'est super. Pas d'électricité, pas d'internet, pas de connexion. Ça va être vraiment la relâche. Et à peine posé les pieds dans l'eau, on voit un autre petit avion qui arrive et un pilote qui sort complètement paniqué et qui nous dit en anglais, bon, je vous le donne en français, il nous dit les gars, vous allez faire comment pour l'ouragan qui arrive ? Et nous, on lui dit, attends, comment ça, l'ouragan Personne nous a dit, c'est quoi ça, un ouragan Il nous dit, oui, il y a un ouragan qui arrive, et là, il n'y a pas de hangar, c'est la panique complète, je suis en train d'en chercher un, bon, bah, je repars. Et il redécolle. Donc, ni une ni deux, on fait nos affaires, on rembarque tout dans l'avion, on décolle, et on va au Grand Exuma, l'île qui est un peu plus au sud, où là, on pouvait avoir des informations. Et quand on arrive, on voit des grands écrans qui passent l'information en continu qu'on vient d'entendre là. Et en gros, c'était partez pour protéger votre vie et vos propriétés. L'ouragan Isaac arrive. Donc là, waouh, qu'est-ce qu'on fait ? L'ouragan devait arriver quelque chose comme 24 heures après. Donc on demande s'il y avait un hangar de disponible. On nous explique qu'il n'y en a pas dans les Bahamas, qui sont tous déjà pris. Donc deux solutions. Soit on va vers Porto Rico, c'est-à-dire dans la direction de l'ouragan. Du coup, on va l'impacter plus rapidement, mais il sera plus petit, ou alors on va à l'opposé, dans la direction de la Floride, c'est-à-dire qu'on impactera l'ouragan plus tard, puisqu'on y sera plus tard, mais du coup l'ouragan sera plus gros, puisqu'au fur et à mesure de son expansion, il grossit. Deux mauvaises solutions, en quelque sorte. C'est ça, hein. Pas beaucoup de temps pour réfléchir et pour choisir. Donc comme ça nous embêtait vraiment de faire marche arrière vers la Floride, on a continué vers le sud, donc on est allé en s'approchant de l'ouragan, vers Porto Rico. Arrivé à Porto Rico, évidemment, il y avait une grande panique, il y avait des avions dans tous les sens, tout le monde se poussait pour pouvoir ranger l'avion dans les hangars. Il y avait tout type d'avions, des militaires, des gros, des petits. Et un hangar, avec des grandes portes ouvertes qui étaient désertes. On se dit, waouh, ça c'est notre chance. Donc on y va, on pousse l'avion, on va voir le propriétaire, on lui demande si on peut y passer la nuit pour l'ouragan. Il nous dit, oui, bien sûr, pas de problème. Et il nous donne un prix complètement exorbitant, mais bon, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc on paye et la nuit, on va trouver un petit endroit pour dormir. On ne dort pas très bien, évidemment. Et le lendemain matin, on savait que l'ouragan allait arriver en fin de matinée. Donc on arrive en pensant que le hangar se serait rempli et que les portes seraient fermées. Et à notre grande surprise, le hangar est toujours désert. Il n'y a que notre petite machine et les portes sont grandes ouvertes. Donc on va voir le propriétaire à nouveau et on lui demande « Mais il est peut-être temps de fermer les portes là, il faut peut-être s'activer un peu, si vous voulez on vous file un coup de main, on va vous faire quelque chose !» Et là il nous dit « Non mais attendez, vous m'avez demandé hangar, vous ne m'avez pas demandé hangar avec des portes, il n'y a pas de portes, c'est un vieil hangar de la Seconde Guerre mondiale, il est complètement rouillé. » Alors donc, comment avez-vous fait pour vous en sortir ? Catastrophe, on décide de redécoller. Pour trouver un autre hangar, on redécolle, problème moteur, on ne peut pas décoller. Donc obligé de trouver une solution en urgence. On fait deux équipes de un. Adrien s'occupe de voir le moteur, moi je m'occupe de trouver un hangar. Comme je savais que tous les hangars étaient pleins, je suis allée taper à la porte des militaires. Et là, il y avait les militaires américains, les pilotes de chasse très G.I. Joe, carrés comme ça, qui me voient et qui me disent... Quand je vois une jeune femme en détresse, je dois la secourir, c'est mon devoir. Allez, rentrer. Et donc, ils ont ouvert les portes, ils nous ont laissé mettre le petit ULM, les portes sont refermées de justesse, l'ouragan est passé, on a été sauvés. Tout s'est donc finalement bien terminé. Ce qui vous a permis de poursuivre votre voyage et d'atteindre un peu plus tard le Pérou, où va nous emmener tout de suite Odémilie Judaïc, qui va nous raconter toutes les semaines des histoires d'explorateurs et des découvertes d'aventuriers dans cette émission. Nous partons donc aujourd'hui avec Odémilie sur les pistes Nazca. Eh bien oui, Daniel, mais peut-être s'agit-il d'une fausse piste d'ailleurs, parce que les soi-disant pistes de Nazca font l'objet de nombreuses controverses. Vous avez sûrement entendu parler de ces immenses formes géométriques et dessins divers qui jonchent la pampa péruvienne. Une œuvre d'art à ciel ouvert conçue il y a près de 2000 ans et que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Nous le sommes dans le sud du Pérou, à 400 km de Lima, entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, s'étend ce que l'on appelle le Sahara péruvien. 500 km² d'un désert impitoyable où il ne pleut qu'une demi-heure tous les deux ans. Et là s'ouvre le plus grand livre d'images du monde qui s'étale jusqu'à Nazca. Dans un paysage lunaire de poussière et de roches dans un désert sans fin, au rivage irréel, sous un soleil intense, un soleil blanc, infernal. Cette terre inhospitalière accueillit pourtant la civilisation Nazca pendant plus de 1000 ans, entre moins 300 avant notre ère et plus 800 ans après Jésus-Christ. Car les Nazca développèrent des techniques d'irrigation extrêmement sophistiquées qui finirent par rendre ces vallées extrêmement fertiles. Pour s'assurer de la qualité des récoltes, ils adoraient des divinités animales, censées les protéger contre les aléas de la météo. Ils pensaient d'ailleurs que les étoiles qui illuminent le ciel étaient les yeux de ces divinités. Mais ce qui fait leur notoriété encore aujourd'hui, c'est qu'en balayant le sol aride de la Pampa, les Nazca ont dessiné de gigantesques lignes, formant des figures géométriques, des plantes ou des animaux. Les Indiens croyaient, et ils croient toujours, à la force magique des images. Les colibris sont associés au printemps et à l'âme des vierges sacrifiées. Le singe est associé au culte de la fécondité. Le chien, le gardien des momies et le guide de leurs âmes. La baleine conduit l'âme des pêcheurs perdus en mer. Tous les animaux et tous les oiseaux possédaient leur semblable au ciel, chargé de la procréation et de la multiplication de l'espèce terrestre. Donc la pampa pourrait être une sorte de conversation animiste, une forme de prière graphique, de rituel de supplique aux dieux. Le plus surprenant, c'est que ces géoglyphes, c'est leur nom scientifique, s'étendent sur plusieurs centaines de mètres, et donc franchissent des collines et des ravins sans jamais dévier. Alors la question se pose, comment les Nazca sont-ils arrivés à un tel degré de précision? On s'interroge encore, d'autant qu'il y a des détails troublants. Une araignée de dimension voisine, d'une centaine de mètres d'envergure, dont la taille réelle est de 6 mm. Et cette araignée-là pose quelques problèmes difficilement solubles d'ailleurs. Parce que figurez-vous qu'elle présente sur sa reproduction géante quelques détails anatomiques qui ne sont visibles qu'au microscope. Incroyable, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, les proportions de ces figures sont si grandes qu'on ne peut pas les voir depuis le plancher des vaches. Pour les déchiffrer, il faut les surplomber, ou mieux encore, les survoler. Hawkins, par exemple, l'astronome de Boston, vous savez, celui qui a étudié Stonehenge, qui a aussi travaillé sur Nazca, Hawkins à chercher vainement ce grand trapèze de 850 mètres de long alors qu'il se trouvait à l'intérieur de celui-ci. Il ne faut donc pas s'étonner de la découverte tardive de ces figures. Des centaines, des milliers d'hommes les ont traversées au cours des siècles sans jamais se rendre compte de ce qu'ils avaient sous les pieds. En effet, ce n'est qu'en 1941 que l'historien américain Paul Kosok commencera le long recensement des géoglyphes de Nazca, à bord d'un petit avion sillonnant le désert péruvien. Kosok s'est trouvé par hasard suivant la plus longue des lignes, celle qui mesure 10 km. Or, le soleil qui s'abaissait rapidement sur l'horizon suivait cette ligne, comme s'il y était attaché, et il s'est couché dans le prolongement de la ligne. Et c'est de ce fait que Kosok a compris qu'il venait de percer l'un des secrets de la Pampa de Nazca et qu'il s'est écrié « c'est le plus grand livre d'astronomie du monde ». Il est vrai que la majorité des pistes pointent vers des constellations ou s'alignent sur le soleil au moment des solstices et des équinoxes. Mais pas toutes. Alors, quelle pouvait bien être la signification et l'utilité de ces lignes pour les Indiens Nazca ? Aujourd'hui encore, on ne peut émettre que des hypothèses. Et nombreux sont les scientifiques qui se sont arrachés les cheveux sur ce casse-tête géant. Il y eut d'ailleurs quelques farfelus pour penser qu'il s'agissait de routes empruntées par les Indiens, voire de pistes d'atterrissage pour d'éventuels visiteurs extraterrestres. Alors après tout, rêvons un peu nous aussi, et imaginons que la civilisation Nazca ait été bien plus évoluée que la nôtre, et capable de concevoir des objets volants fonctionnant à l'énergie solaire. Le grand condor prend à son bord Esteban et ses amis et s'envole vers l'ouest en suivant le soleil. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Merci aux Émilie Judaïque et puis merci aux archivistes de l'INA qui nous ont permis d'entendre les voix d'Henri Gougaud et de Simone Vesbar dans ces petits extraits. Clémentine Bacry et Adrien Normier, avec votre ULM, vous avez poursuivi l'histoire de ces découvertes, alors sur un autre site encore plus ancien, celui de Caral. Alors Caral, une découverte récente des pyramides qui sont comparables à celles d'Égypte et qui ont plus de 5000 ans d'âge. On s'est retrouvé là-bas avec notre ULM à décoller depuis une route la route d'une ville qui s'appelle Barranca. Et là-bas, on devait faire une cartographie de ce site de Caral, qui est énorme, qui s'étend sur toute une vallée. Et puis, à proximité, complètement inconnu des archéologues qui bossent depuis 18 ans sur ce site, on est tombé nez à nez avec d'immenses dessins dans le désert. Donc, ça rebondit immédiatement avec cette belle histoire de Nazca. Alors, d'immenses dessins dans le désert, pour nous, ça serait des enchaînements de signes faits avec des pierres. Le plus grand, alors c'est plus petit que Nazca, parce que le plus grand, il fait 70 mètres de long. Mais quelque chose de complètement fou quand on est allé sur place, voir de quoi il s'agissait. Et puis, alors exactement comme dans l'histoire qu'on vient d'entendre, ouais. Notre archéologue en chef s'est mise au beau milieu en disant « Il est où le géoglyphe ?» Et on ne le voyait pas. Donc le géoglyphe, ce sont ces dessins de pierre que l'on voit du ciel, ouais. Exactement. Et il a fallu qu'on aille monter sur un promontoire adjacent pour réussir à voir qu'en fait, on l'avait bien trouvé, c'était bien la bonne coordonnée et on était au milieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les archéologues, à cet instant, pensent qu'il s'agit de structures réalisées à la même époque que ces pyramides adjacentes qui ont 5000 ans. Plus d'hypothèses, on n'est pas trop capable pour l'instant, donc c'est l'expectative. Voilà le genre de jolie découverte que vous a amené à faire ce tour du monde en ULM. Allez, dans un instant, nous allons tenter de joindre Alexandre Corbeau, jeune scientifique en bivouac sur les îles Kerguelen, où il étudie la faune locale. Il était un homme libre qui de tenir debout dans le vent. Comme elle est belle la lune quand elle s'élève, rejoindre la rumeur du printemps. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sous ta peau. Prendrai debout de poids entre mes doigts, je les porterai en flambeau. Je réchaufferai la terre et cueillerai le chagrin d'hiver des oiseaux. Mon poème n'a pas de mots. de la côte, comme elle est haute, la cime de l'arbre dans le ciel blanc. Si ta douleur est profonde quand la nuit tombe, moi je m'allongerai dedans. Je coucherai sous la terre, à l'abri de la lumière, des larmes qui rejoindront la mer. Il était un homme libre qui disait de tenir debout dans le sang, d'attraper la foi sauvage des sorciers, la rage pour tenir longtemps. Mon poème n'a pas de mots, il a le son du tonnerre et de son éclat sur la pierre. Vol le chagrin des oiseaux d'Émilie Loiseau. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Allô ? Allô, allô ? Sur France Inter. Vous pouvez patienter un petit moment ? Oui, oui, mais c'est le satellite qui m'attend. Oui, c'est le satellite, bien sûr. L'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Et oui, nous allons tenter la connexion avec les îles Kerguelen avec la complicité de l'Institut Paul-Émile Victor. Pour situer, vous voyez la pointe de l'Inde. Alors vous n'y êtes pas encore du tout. Hein. Vous descendez, vous dépassez Madagascar, vous dépassez la pointe de l'Afrique du Sud, vous descendez encore et vous arrivez aux îles Kerguelen. L'île principale de cet archipel est la troisième plus grande île française. La terre habitée la plus proche est à 3400 km et sur cette île, eh bien une petite base scientifique et à 40 km de cette petite base scientifique, Alexandre Corbeau, sous sa tente. Il travaille pour le Centre d'études et de biologie de Chizé du CNRS. Bonjour ou bonsoir, Alexandre Corbeau. Bonsoir, monsieur, vous allez bien ? Oui, quelle heure est-il pour vous ? Alors, pour moi, il est exactement 20h50, donc il fait un peu nuit depuis 3h, mais je suis sous la tente et bien là, oui. Alors, quelle température ? Bah là, on a eu un redout par rapport à hier, ce qui a fait fondre la neige, on est à 4 degrés à peu près. Oh, bah ça va, ça va. Pas trop de vent ? Là, ça va, ça commence un peu à forcir et en fin de nuit et demain, on aura quelques rafales à 50 nœuds de vent, mais pour l'instant, on est tranquille. Alors, décrivez-nous un petit peu l'endroit où vous êtes. Bon, alors là, comme je vous ai dit, il fait un peu nuit, mais sinon, en fait, on a posé notre tente juste à côté d'un petit ruisseau qui va jeter dans une rivière un peu plus grande et on est dans des. Cette rivière, en fait, elle sort d'une vallée qu'on a longé pendant la journée, pendant la randonnée, et on est entouré de sommets qui sont assez impressionnants, qui vont de 600 à 900 mètres, et voilà, donc cette rivière va se jeter dans la mer, on est à 700 mètres de la côte à peu près, et qui arrive dans un endroit appelé Port Elisabeth, parce que c'est un endroit qui est assez abrité, qui a été utilisé auparavant par les bateaux pour s'abriter. Alors vous êtes arrivé à Kerguelen dans le cadre d'un service civique, hein, volontaire. Vous êtes arrivé il y a 7 mois et vous travaillez sur différentes espèces, 25 espèces d'animaux, je crois, dont 3 mammifères, mais aussi les oiseaux et plus particulièrement les poussins d'albatros et de manchots. Comment étudiez-vous ces espèces d'animaux ? Alors exactement, ouais, nous travaillons sur beaucoup d'espèces différentes et en ce moment, en hiver, et on travaille surtout sur les poussins d'albatros et de manchots royaux qui restent là en hiver. Alors en quoi consiste votre travail ? En, fait, on va faire des suivis. On fait des suivis démographiques et des suivis de population. On a des poussins qui sont marqués, qu'on connaît, et on va les voir régulièrement tous les mois ou tous les deux mois pour voir l'évolution de ces poussins. Grâce à ça. Il faut bien imaginer que ces animaux ne sont pas du tout habitués à l'homme, puisque vraiment cette île est très peu fréquentée par les êtres humains. Alors comment vous perçoivent-ils ? Est-ce qu'ils sont facilement approchables ? Est-ce qu'au contraire, ils n'ont pas peur du tout de vous ? Alors exactement, ils sont très facilement approchables, ils n'ont pas du tout peur de nous, ils ne nous représentent pas du tout comme un danger. Si on les attrape, qu'on s'approche vraiment très près, ils vont commencer à se débattre. Mais ce qui est très intéressant dans nos îles Kerguelen notamment, c'est qu'on peut approcher toute la faune de très près sans les gêner outre mesure. Alors il est prévu que vous restiez encore pas mal de mois sur cette île. Vous y resterez au minimum 13 mois. Vous êtes loin de tout. On ne peut pas venir en avion, pas en hélicoptère. Il y a des bateaux qui passent, mais dans la période où vous êtes en hiver, il n'y a pas de bateaux qui passent. Donc vous êtes dans cette petite base scientifique avec 45 personnes. Le moral est-il bon ? Comment ça se passe quand on est comme ça un peu en huis clos pendant autant de temps sur une île déserte ? Bah, ça se passe bien. On a recréé une petite ville avec chacun son travail. Moi, j'ai la chance donc de travailler sur les oiseaux pour le CNRS, et ce qui me permet de travailler sur beaucoup d'espèces différentes et donc de bouger pas mal. Donc moi, j'ai un travail qui me fait faire énormément de choses différentes, donc ce qui fait que je m'ennuie jamais. Eh bien, on vous souhaite que ça continue. Merci beaucoup, Alexandre Corbeau, et bonne soirée sous la tente, et puis bonne fin d'aventure. Au revoir. Bah, merci beaucoup, au revoir à vous aussi. Clémentine Bacry et Adrien Normier pour finir cette émission. Alors il n'était pas possible que vous alliez jusqu'à ces îles reculées de l'Antarctique puisqu'elles n'ont pas de piste d'atterrissage. Ça vous aurait tenté ? Ça nous aurait définitivement tenté. Il y a un vrai problème d'autonomie par contre, ça c'est sûr. Parce que 3700 km de la première Terre, c'est ça ? Ouais, ouais. Impossible à ce stade. Puis impossible à atteindre avec votre petit ULM. Non. Mais ça reste un rêve, c'est un endroit où on espère bien qu'un jour on pourra se poser. Alors il faudra trouver un autre moyen de locomotion, peut-être le bateau. Quel souvenir vous garderez de ce voyage ? Et puis aussi, comment se fait le retour ? Voilà, 14 mois, vous êtes parti autour du monde pendant 14 mois, vous avez atterri il y a une quinzaine de jours. Retour à la vie normale, vous étiez pilote de ligne, Adrien, Clémentine, vous êtes avocate. Voilà, c'est un peu triste, non, de retourner à ces métiers tellement classiques. Alors, c'est pas triste du tout, on est super heureux de rentrer. Par contre, un truc qui fait bizarre, c'est que pendant 14 mois, tous les jours, c'était de la découverte, tous les jours, c'était nouveau. Et du coup, bah, chaque nouveauté, ça fait un souvenir. Et là, ça fait 2 semaines qu'on est rentré, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé, que j'ai vécu en boucle la même journée. Ouais. Et ça fait très très bizarre. Donc on s'ennuie. En fait, vous êtes en train de nous dire, au retour, on s'ennuie. Bah, pas encore vraiment. Il y a eu quand même de l'émotion pour le Bourget. Il a fallu faire des pirouettes en l'air et pas faire n'importe quoi. Donc ça nous a un peu occupé. Puis là, maintenant, c'est un peu le blanc devant nous. Ouais, on est très contents d'être rentrés pour avoir revu les amis, la famille. C'est les choses qui nous avaient bien manqué quand même. Mais c'est sûr que je pense qu'après un voyage pareil, en tout cas nous, on est devenus un peu accro au voyage. Donc on n'a qu'une envie, repartir. C'est de repartir. Ouais, on a envie repartir de la même manière dans d'autres endroits. Le prochain voyage, vous l'imaginez déjà ou c'est trop tôt ? Pour l'instant, c'est très tôt. En fait, on n'imagine pas un voyage, on en imagine une infinité. La difficulté, ça va être de choisir, ça va être de le construire et de le financer. Mais c'est sûr qu'on a envie de voyager. Ça sera sans doute différent parce que ce qui nous plaît, c'est de découvrir des nouvelles choses. Donc, on n'a pas envie de retourner aux mêmes endroits, refaire les mêmes choses, c'est sûr. Mais il y a encore tellement de choses à voir et à faire. Ce qui est sûr, c'est que ce sera en ULM ou même pas. Peut-être prendrez-vous un autre moyen de locomotion. Ce qui est même pas sûr, c'est que ça sera en ULM. Ça sera complètement fou, ça c'est sûr. Maintenant, dans le détail, on a beaucoup de folie à envisager. Bon, eh bien, je vous souhaite toutes les folies du monde. Merci à vous, Clémentine Bacry et Adrien Normier. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle qu'on peut découvrir quelques épisodes. On n'a évidemment pas tout dit dans cette émission. Donc, quelques épisodes du Tour du Monde que vous avez effectué en ULM à la rencontre de ces scientifiques du monde entier sur le site d'universcience.tv. Et puis, avec un peu de patience, un documentaire plus conséquent qui est en cours de préparation. Il sera diffusé sur la chaîne Planète Plus Thalassa, film coproduit par Gédéon Programme, Doc Landyard et Aura. Merci à vous deux. Clémentine Bacry. Un dernier mot, je voulais remercier tout le monde et puis vous dire qu'on a aussi un site internet Wings for Science et une page Facebook où effectivement on n'a pas tout dit mais on est prêt à répondre à toutes les questions de tous vos auditeurs s'ils nous contactent. Et bien voilà, c'est dit. Merci à vous deux. Merci. Nous sommes sauvés. Le monde existe, le soleil brille et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle. Nous verrons tous là un jour. En avant la musique. Cette émission a été réalisée par Marie Casanova, elle a été préparée par Raphaël Attia. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon et Serge Viguier. Demain, nous recevrons François-Michel Letourneau. Il est géographe et il est parti dans une région aux confins du Brésil, du Suriname et de la Guyane française. Il a remonté en pirogue sur plus de 750 km le fleuve Jari, affluent méconnu de l'Amazone. Le but de son expédition, améliorer la cartographie de cette région tombée dans l'oubli depuis 40 ans. À demain donc pour de nouvelles aventures.